Nous allons voir dans ce message le caractère de Martin Luther. Vous me direz ensuite si vous voudriez quelqu'un comme ça pour pasteur. Je citerai encore principalement le tome 2 du manuel d'histoire de l'Église de M. Dom H. Poulet de l'édition 1926. Il a été professeur à la faculté de Lille dans les années 30, alors il est très compétent. Il est écrit dans ce manuel, « Luther fait l'aveu qu'il a horreur du travail et qu'il prie peu. » Pour un religieux, en plus, cela est un aveu tragique. Il est important de le noter. Je cite à nouveau, « Pour libérer l'être humain, Luther a commencé par briser les vœux de religion. Et le joyeux message annoncé par lui à la chrétienté a aussitôt répandu sur l'Allemagne une épidémie de désespoir. » Les protestants allemands nous demandent de reconnaître la grandeur de Luther, mais grandeur vraiment humaine, non. Ce qui explique aussi pourquoi, dans tous les grands animateurs de l'Allemagne protestante, on voit rejaillir la vieille source de l'esprit de Luther. Que faut-il penser d'une nation mystiquement rassemblée par une individualité de chair, par une personnalité? Un autre trait frappant dans la physionomie de Luther, Luther est un homme entièrement et systématiquement dominé par ses facultés affectives et appétitives, caractérisé avant tout par la puissance de l'action. Tous les historiens insistent sur son âpre énergie. Carlyle l'appelle un Odin chrétien, un vrai Thor avec son marteau. Lorsqu'il est déchaîné, rien ne peut l'arrêter. On connaît le magnifique emportement de ses défis. Voilà un témoignage historique. Il n'est rien de plus détestable, mes amis, à la vue et aux oreilles, qu'un croyant débridé, effréné, excessif, extravagant, extrémiste, forcené, outrancier et agressif dans ses propos. Il n'est rien de plus contraire au Christ. Matthieu 11, 19. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Le mot traduit par le verbe crier est krogazo, qui signifie vociférer, réclamer à grands cris. Ce mot a approximativement le même sens que celui utilisé en Matthieu 27, 23, où il est dit que les gens criaient contre le Christ pour qu'il soit crucifié. Et c'est exactement le profil de prédication de Martin Luther contre l'Église. Quelle contradiction, en effet, mes amis, avec les douces paroles des béatitudes et des prédications évangéliques du Seigneur. Avec sa puissance verbale, il était souvent grossier et ignoble. Bossuet le notait très sévèrement. Il eut de la force dans le génie, de la véhémence dans ses discours, une éloquence vive et impétueuse qui entraînait les peuples et les ravissait. Une hardiesse extraordinaire quand il se vit soutenu et applaudi. Il parlait avec un air d'autorité qui faisait trembler devant lui ses disciples, de sorte qu'il n'osait le contredire ni dans les grandes choses ni dans les petites. Fin de citation. Nous retrouvons cette citation dans le livre intitulé « Œuvre de Bossuet ». Mon manuel d'histoire dit également ceci. Il priait longuement, volontiers, à haute voix, avec un grand flux de paroles qui faisait l'admiration des gens. Pourtant, il avoue que dans sa vie privée, il priait peu. Il existe un mot pour ça, mes amis. Matthieu 6, 1, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Matthieu 6, 5, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, le voilà le mot qu'on cherchait, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vu des hommes. Habité par une mélancolie profonde, c'est sans doute ce qu'il y avait de plus humain chez lui, le sort éternel de Saül comme celui de Luther est réservé à l'indiscutable jugement de Dieu. Cet homme qui a déchaîné la révolution sur le monde se consolait, dit-on, en jouant de la flûte. Ça ne devait pas réparer grand-chose, si vous voulez mon avis. Pendant que le monde s'entretuait à cause de ses doctrines, monsieur jouait de la flûte. Écoutons-le parler d'Aristote et de saint Thomas, qui sont à peu près les plus grands penseurs que la Terre ait jamais connus. Je cite, « Aristote est le rempart limpide et papiste. Il est à la théologie ce que les ténèbres sont à la lumière. Son éthique est la pire ennemie de la grâce. C'est un gamin qu'il faut mettre dans la porcherie ou dans l'écurie avec les hommes. Le plus rusé corrupteur des esprits, l'appelle-t-il. S'il n'avait existé en chair et en os, je ne me ferais aucun scrupule de le tenir vraiment pour le diable. » Fin de citation. Luther tenait pour le diable tous ses ennemis. C'est pas compliqué, là. On retrouve ça beaucoup dans l'esprit protestant. Quand on n'est pas d'accord sur le fait d'haïr l'Église comme eux, ils te jettent un anathème à la figure. Ils te traitent d'apostat, de faux chrétien, d'antéchrist. On m'a traité tous les noms, moi. Aristote est venu 400 ans avant Jésus-Christ. Il a été l'un des penseurs les plus influents que le monde ait connu. Son éthique est tournée vers la recherche du bien. Il a beaucoup parlé de la vertu d'éthique et dans tous les domaines de la vie. C'est son esprit brillant qui a mis en forme les cadres logiques, théoriques, politiques de la connaissance que nous continuons à nous approprier encore aujourd'hui. Il reste avant tout le créateur de la logique. Même l'apôtre Paul a cité Aristote en Actes 17-28, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Quant à saint Thomas, Luther dit de lui, « Il n'a jamais compris un chapitre de l'Évangile. » Fin de citation. Thomas d'Aquin a été le plus grand théologien de l'histoire. Luther les repousse orgueilleusement tous les deux d'un petit coup de revers de la main. Luther introduit la haine dans la prière du Notre Père. Il écrit, « Si je dois dire que ton nom soit sanctifié, il me faut alors dire, maudit, damné soit le nom des papistes. » Les papistes, ça c'est tous les catholiques, là. Là, il n'est plus seulement en colère contre le pape, ni les prélats, ni l'Église, mais les catholiques au complet. « Maudit, damné soit le nom des papistes et de tous ceux qui blasphèment ton nom. » Que les catholiques blasphémaient le nom de Dieu, ça reste à voir, hein? « Si je dois dire que ton règne arrive, alors il me faut dire, maudite, damnée, exterminée soit la papauté avec tous les royaumes de la terre qui sont contre ton règne. Si je dois dire que ta volonté soit faite, alors il me faut dire, maudit, damné et anéanti soit tous les desseins et les complots des papistes et de tous ceux qui se dressent contre ta volonté et ton conseil. En vérité, c'est ainsi que je prie sans relâche tous les jours et des lèvres et du cœur, et avec moi tous ceux qui croient au Christ. » Une belle prière. Il a déformé la prière dominicale. Il en a fait un sujet de haine, une incitation à la haine. Introduire cette haine et ces malédictions dans la prière elle-même, et qui plus est dans la prière même du Seigneur, les intercaler en chacune des demandes de l'oraison dominicale, je doute que cela soit tout à fait inoffensif, comme il le dira. Je crois que c'est plutôt un blasphème. Ajouter à la parole de Dieu est déjà un péché très grave, et ajouter de la haine est une abomination. Quand on se rappelle comment le Christ avait prié pour ses ennemis, on y voit un esprit entièrement différent ici. Luther ne savait pas de quel esprit il était animé, désirant la damnation des âmes et non leur salut. Il ne pouvait pas dire le Notre Père sans désirer en même temps la ruine de la papauté. La question reste à savoir si haïr le pape et les catholiques de la même haine dont on hait le diable est quelque chose d'enseigné dans la Bible. On sait la haine féroce de Luther pour tous les catholiques, la papauté et les religieux. Il écrit « Plaise à Dieu d'envoyer sur eux la pluie de soufre et de feu qui consuma Sodome et Gomorre et de les précipiter au fond de la mer afin qu'ils en périssent jusqu'à la mémoire. » Les bons chrétiens devraient laver leurs mains dans le sang des catholiques. On devrait prendre le pape, les cardinaux et toute la clique de l'idolâtrie, tirer la langue à ces blasphémateurs et les clouer à des potences. Fin de citation. Pouvez-vous un seul instant imaginer le Christ parler de la sorte de qui que ce soit? Luther voue la papauté et toute autorité de l'Église aux abîmes infernaux. Pour lui, un des signes que l'on plaît à Dieu, c'est de haïr le pape. Pourtant, la Bible dit, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » 1 Jean 3:14-15 maintenant. « Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. » La religion de Luther, la religion de tous les réformateurs, était la religion de la haine et de l'incitation à la violence et à la guerre. La haine du pape est un trait saillant de Luther. Personne ne peut parvenir au salut, disait-il, s'il n'attaque de toutes ses forces les mandements du pape. Si je ne m'abuse, il vient de mettre une œuvre dans son salut, ce qui va à l'encontre de tout son système. Il le traitait d'antéchrist, de scélérat, de Satan et d'homme diabolique dans ses écrits, etc. Dans tout ça, Luther ne s'est jamais remis en cause. Il ne s'est jamais examiné lui-même pour savoir de quel côté il était vraiment dans les yeux de Dieu. En 1537, en péril de mort à cause d'une maladie, il lègue à ses amis cette recommandation forcenée « Impliat vos dominus odio, pape », qu'on pourrait traduire par « Soyez remplis de haine et rendez-vous le plus odieux possible au pape ». Ailleurs, il dit « Impliat vos dominus benediction sua et odio pape ». Que Dieu vous comble de sa bénédiction à propos de votre haine du pape. Jésus a-t-il jamais dit quelque chose de semblable quelque part à ses disciples avant de repartir? Non, frères et sœurs, la haine de l'homme n'accomplira jamais le salut de Dieu. Jacques 3:11, de l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Il a voulu que ses disciples fassent perdurer sa haine de l'Église après sa mort. Vous trouvez ça normal de la part d'un chrétien? Mais qu'est-ce que vous avez à admirer un homme pareil? Êtes-vous tombé sur la tête, frères et sœurs? La grande majorité de vous qui m'écoutez aujourd'hui avez entendu l'Évangile, vous avez reconnu la voix du bon berger, vous avez été touchés et consolés par l'amour de Dieu. Et aujourd'hui, plusieurs d'entre vous, vous êtes devenus de véritables brutes aveugles quand vous parlez de Dieu à un catholique. Galates 1:6, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre Évangile. Galates 3:1. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Les doctrines d'un homme pervers ne peuvent pas être droites. Même quand il veut être droit, son cœur tortueux engendre des faussetés. La haine est absolument partout dans la théologie de Luther. Il y place même la bénédiction spéciale de la faveur de Dieu là-dessus. Est-ce que ça vous paraît le caractère d'un bon chrétien, d'un vrai disciple du Christ? Christ a-t-il jamais dit chose semblable à ses ennemis? A-t-il jamais, quelque part, encouragé ses disciples à la haine de ses ennemis? Psaume 119, 17, 18. Il aimait la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui. Qu'il revête la malédiction comme son vêtement. Voyez-vous, nous serons jugés comme nous avons jugé. Son dernier écrit de 1545 s'intitulera « Contre la papauté fondée à Rome par le diable ». Et la veille même de sa mort, il écrira le vers suivant « Pestis eram vivus, moriens ero mors tua papa ». Le ravageur est vivant, il fera mourir de mort votre pape. Luther prophétise la chute et la fin de la papauté, ce qui ne s'est jamais accompli, ni de son vivant, ni par la suite. Le luthéranisme n'est plus un travail de simple réforme doctrinale, mais totalement un combat à mort entre Luther et les catholiques. Lutte contre laquelle Luther entraînera le monde après lui. Lutte qui fera couler le sang innocent comme on ne l'avait jamais encore vu sur la terre. Je cite mon manuel d'histoire. Aujourd'hui, les théologiens protestants se complaisent dans cette pensée que le Christ est le centre du système de Luther. Rien n'est plus faux et rien ne contredit davantage les conclusions d'une enquête psychologique sur la marche de son évolution. Bien qu'il parle souvent du Christ, ce n'est pas le Christ, mais l'homme qui est le centre de la théologie de Luther. Ce qui est au centre de la théologie de Luther, c'est Luther. Fin de citation. Je vous en réfère au message numéro 1 de cette série, l'histoire personnelle de Luther. Thomas Huggies, qui a vécu à la période du passage du luthéranisme au protestantisme, a écrit ceci. Oui, ces périodes de réforme n'ont pas été nécessairement des périodes de réveil spirituel. Luther, même dans ses commencements, aurait approuvé le meurtre des paysans qui se révoltaient contre l'arnaque papale des indulgences. Fin de citation. Il paraît que la chose avait fait scandale. Les gens se demandaient comment un homme supposé avoir été envoyé par Dieu pouvait descendre aussi bas moralement. Luther était également antisémite et approuvait les meurtres de Juifs. Faites une recherche à ce sujet, c'est très facile à prouver. Ce que je ne m'explique pas, c'est que des millions de chrétiens glorifient cet homme et tiennent ses interprétations de la Bible comme la pure vérité. Bon sang! Si des hommes de caractère aussi médiocre se présentaient aujourd'hui dans votre église pour enseigner, vous les mettriez à la porte comme faux prophètes immédiatement. Accepteriez-vous comme pasteur des meurtriers non repentants? Je ne crois pas. Pourtant, c'est ce que vous faites lorsque vous enseignez les doctrines de Luther ou de Calvin dans vos écoles bibliques. Et c'est ce que vous faites à chaque fois que vous écoutez enseigner ces doctrines par votre pasteur. À chaque fois que vous laissez votre pasteur prêcher des doctrines luthériennes et anticatholiques, vous laissez monter Martin Luther en chair. Ne permettez plus à votre pasteur de vous inculquer des doctrines anticatholiques. La grande réforme de Luther, de Calvin et de tous les autres n'a été qu'une grande et longue inimitié. Le dictionnaire dit de l'inimitié que c'est un sentiment d'aversion, d'hostilité à l'égard de quelqu'un ou d'une collectivité, antipathie naturelle, aversion instinctive qu'éprouvent certaines personnes entre elles. Synonyme d'inimitié, animosité, antagonisme, antipathie, aversion, défaveur, désaccord, dispute, haine, hostilité, malveillance et ressentiment. Ce ne sont là aucun des sentiments de Christ, ni aucune des causes directrices ou forces inspiratrices de ses apôtres à l'origine du christianisme. Il n'y a en tout ça aucun ressort ni aucun élément d'évangile dans toute cette antithèse des fruits de l'esprit. Toute cette force motrice n'est qu'une inversion de vérité et une inversion de la charité. Je cite le manuel « Luther s'emportait à des excès inouïs, c'était un sujet de douleur pour son disciple modéré Mélenchon. Une secte impie s'élevait sous ses étendards sous le nom de Réformation. » Les séditions, les guerres civiles ont ravagé la chrétienté. Fin de citation. L'inimitié est une œuvre de la chair, dit Galates 5:19. L'inimitié a toujours été une œuvre de la chair et en sera toujours une. N'essayez pas de justifier cet esprit impur, car vous lutteriez contre Dieu, frères et sœurs. Ne justifiez pas les péchés de Martin Luther. Martin Luther était persuadé que la raison pour laquelle les Juifs ne se convertissaient pas au christianisme était qu'ils ne pouvaient pas supporter la corruption de l'Église. Désormais, à cause de sa réforme et de son rejet de l'Église, les Juifs verraient que les protestants étaient différents et qu'ils étaient bienveillants envers eux. Ils deviendraient alors tous chrétiens. C'est ce que croyait Luther. Bien entendu, les Juifs n'ont pas adhéré au protestantisme non plus. Leur allégeance au judaïsme et à la Torah n'avait rien à voir avec le catholicisme. Dès que les Juifs eurent rejeté ces ouvertures et n'eurent pas commencé à se convertir en masse, il est devenu l'un des plus virulents antisémites de l'histoire. Quelques années plus tard, il écrivait dans son livre sur les Juifs et leurs mensonges. Je cite « Qu'allons-nous faire de ces réprouvés de damnés de Juifs? Puisqu'ils vivent parmi nous et que nous connaissons leurs mensonges, leurs blasphèmes et leurs malédictions. Nous ne pouvons pas les tolérer, même si nous ne désirons pas partager leur vie, leurs malédictions et leurs blasphèmes. Peut-être pourrons-nous en sauver quelques-uns du feu et des flammes. Laissez-moi vous donner un honnête conseil. » Ce que Luther présentait comme un honnête conseil consistait à, écoutez bien ça, et ce sont ses propres paroles, « brûler toutes les synagogues, détruire les livres saints juifs, interdire aux rabbins d'enseigner, détruire les maisons juives, exclure les juifs des routes et des marchés, interdire aux juifs de pratiquer des prêts, saisir ce qui appartient aux juifs, contraindre les juifs au travail forcé, expulser les juifs des villes chrétiennes. » Fin de citation. Un beau programme, hein? Est-ce que Jésus aurait agi comme ça? Aurait enseigné une telle chose? Est-ce que les apôtres auraient enseigné de telles choses? Pour plus de détails sur le projet de Luther, voir A History of the Jews par Paul Johnson, la page 242. Voir aussi Why the Jews par Dennis Prager et Youssef Telushkin à la page 107. 400 ans plus tard, Hitler et les nazis, utilisant les œuvres de Luther pour leur propagande anti-juive, ont mis le plan de Luther à exécution. C'est quand même incroyable. Par contraste, voyez les écrits de l'admirable Bernard de Clairvaux au XIIe siècle. On disait de lui, il n'épargnait pas les princes, ni les évêques, ni les cardinaux, ni les papes, autant qu'il respectait leur degré, un si juste tempérament de charité que sans être ni lâche ni emporté, il avait toute la douceur de la complaisance. Et ses corrections étaient lues et écoutées et reçues par le pape. Voici encore une citation de mon manuel d'histoire. Quel exemple auraient pu être les réformateurs de ces derniers siècles si leur arrogance, trop visible, leur eût permis de traiter les choses avec une pareille modération? Ils auraient blâmé les mauvaises mœurs, mais sans rompre la communion avec l'Église, et réprimé les vices sans violer l'autorité légitime. Mais poussés par un vain désir de paraître, leur éloquence a débordé en invectives sanglantes. Elle n'a eu que du fiel et de la colère. Ils ont été fiers, emportés et méprisants. De là vient qu'ils ont fait le schisme et n'ont pas apporté la réformation. » Fin de citation. Ailleurs, il est écrit « Un jour, Luther, s'écriant comme un affranchi, cite le psaume 2e, « Rompons leurs liens et rejetons leur joug de dessus nos têtes. » Il se servit de ces paroles pour répondre à la bulle du pape et contre l'autorité de l'Église, sans songer que ce malheureux cantique est celui que David met à la bouche des rebelles dont les complots s'élèvent contre le Seigneur et contre son oint. Luther, aveuglé, se l'approprie et décide à son gré de toute chose. » Fin de citation. Luther méprise l'autorité, mais ne peut supporter que quelqu'un ne lui accorde pas de soumission. La soumission méprisée se tourne en poison dans son cœur. Il pose alors des anathèmes sur la tête de tous ceux qui ont des vues différentes des siennes. Les vanteries de Luther et le mépris qu'il fait de tous les pères de l'Église qui avaient connu et commenté les paroles même des apôtres, ce nouveau prophète s'emportait à des excès inouïs. Il outrait tout. Il devint le plus violent de tous les hommes et le plus fécond en paroles outrageuses. Malgré ce qui est écrit dans l'Épître première aux Corinthiens, « Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme en frère, est impudique, cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne. Ôtez le méchant du milieu de vous. » 1 Corinthiens 5, 11 à 13. Et plus loin, « Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les ivrognes, ni les outrageux n'hériteront le royaume de Dieu. » 1 Corinthiens 6, 9 à 10. Le manuel dit encore, « Luther parlait de lui-même d'une manière à faire rougir tous ses amis. On appelait « sainte ostentation », c'est comme dire « du saint orgueil ». Il employait l'expression aussi « sainte vanterie » et « sainte jactance », les débordements de ses prédications. « Enflé de son savoir, grand pour le temps mais médiocre au fond, il se mettait au-dessus de tous les hommes, non seulement de ceux de son siècle, mais encore des plus illustres des siècles passés. Dans la question du libre arbitre, par exemple, Érasme lui objectait le consentement des pères de toute l'Antiquité. À propos du libre arbitre, il est abandonné de tous ses disciples et même dans la confession d'Augsbourg. Voilà où Luther en était venu, de cette extrême modestie qu'il avait professée au commencement. Que dirais-je des bouffonneries aussi plates que scandaleuses dont il remplissait ses écrits? La peine de lire seulement un discours qu'il composa du temps de Paul III contre la papauté, je suis certain qu'il rougirait pour Luther, tant il y trouverait partout, je ne dirais pas de fureur et d'emportement, mais de bassesse, de basse plaisanterie et de saleté, je dis même les plus grossières, et celles qu'on ne voit sortir que de la bouche des plus vils artisans. Quand il entrait dans ses fureurs, il ne se possédait plus. » Fin de citation. Voilà le témoignage de l'histoire, mes amis. Voici une autre de ses insultes. « Un âne sait qu'il est un âne. Une pierre sait qu'elle est une pierre. Et ces ânes de papelin ne savent pas qu'ils sont des ânes. » Imaginez-vous le Christ parler comme ça? Moi, je ne me l'imagine pas. Bossuet a beaucoup parlé sur la réforme, parce qu'il est venu pas tellement longtemps après. Par exemple, dans le livre « Œuvre choisie », il écrit « Luther s'abandonnait à son humeur impétueuse sans jamais prendre aucun soin de se modérer. Il se jouait lui-même comme un emporté. Calvin et Luther, l'un et l'autre, étaient d'une véhémence extraordinaire. L'un et l'autre se sont fait beaucoup de disciples, d'admirateurs. L'un et l'autre, enflés de ce succès, ont cru pouvoir s'élever au-dessus des pères. L'un et l'autre n'ont pu souffrir qu'on les contredit. Leur éloquence n'a été en rien plus féconde qu'en injures. Leurs adversaires ne sont jamais que des fripons, des fous et des méchants, des ivrognes, des furieux, des enragés, des bêtes, des chiens, des pourceaux. Et le beau style de Calvin est souillé de toutes ces ordures à chaque page. » Fin de citation. Vous n'avez qu'à vous procurer le livre « L'institution chrétienne de Jean Calvin » et vous n'aurez jamais tenu dans vos mains un recueil aussi rempli de haine, de plaisanteries méchantes, de pointes, de railleries, de ricanements, de sarcasmes, de satires, de moqueries, d'outrages et d'insultes de toutes sortes. Tout ce que la Bible déclare être terrestre, charnel et diabolique au fond. Laissez-moi vous donner deux citations du livre Bossuet, œuvre choisie encore. L'orgueil ne se connaît pas lui-même dans ses commencements. Timide d'abord, il se cache jusqu'à ce qu'il ait trouvé l'occasion de se déclarer davantage. Luther, 1000 sectes impies s'élevaient sous ses étendards sous le nom de Réformation. Les armes, les séditions et les guerres civiles ravageaient toute la chrétienté. Fin de citation. Pourtant, moi, quand j'étais protestant, on m'avait toujours dit, et tous les livres que j'avais lus disaient la même chose, que c'était l'Église catholique qui persécutait les pauvres protestants qui lisaient la Bible. La vérité est tout à l'opposé. Les guerres, toutes les guerres sont venues des protestants d'abord. L'Église les a tolérées pendant plusieurs années, mais finalement, elle a dû prendre les armes pour les repousser. Le christianisme n'est pas qu'une question de doctrine à croire ou à ne pas croire, mes amis, à adhérer ou à rejeter, mais tout est dans l'imitation du caractère de Jésus-Christ. Et les protestants de l'époque en étaient très, très éloignés, la plupart échangeant à leur convenance leur Bible pour une épée. Je vous pose une question. Un réveil spirituel peut-il être produit par la haine, les insultes et les guerres? Ce n'est pas le programme que le Christ a choisi, ce n'est pas non plus celui des apôtres. Paul a dit qu'il ne combattait pas avec les armes charnelles. Dieu n'utilise pas les moqueries, les outrages et les insultes, et utiliser la guerre pour propager l'Évangile encore moins. Celui qui utilise les armes de la chair n'est pas de Dieu, mais du monde. Martin Luther n'est pas descendu du ciel, mais monté de l'enfer. Il n'était qu'un homme rempli de haine et d'orgueil et de violence. Il n'a été qu'un faux prophète qui n'a pas été reconnu. Même chose pour Jean Calvin. Des faux prophètes non reconnus. Et je vais vous dire plus. Si cette doctrine de la haine des catholiques et des juifs était fausse, il y a beaucoup de chances pour que leurs autres doctrines le soient aussi. Alors je vous encourage à faire le ménage dans vos croyances, à remettre en question tout ce que la Réforme vous enseignait ou tout ce que vous avez cru que la Réforme vous enseignait. Toute théologie basée sur la haine est obligatoirement fausse. Toute conjecture doctrinale qui veut la mort de ses ennemis ne vient forcément pas de Dieu, mais du diable. Mon manuel d'histoire dit encore ceci. Il y a parmi les hérétiques et les schismatiques de bonne foi des frères marqués du signe de la grandeur évangélique et de la beauté du Christ. Ce serait injustice de le nier et de le méconnaître. Fin de citation. Mais leur théologie est un mélange de vérité et de fausseté. Et je m'inquiète du salut d'un chrétien qui possède des doctrines empoisonnées et empoisonnantes. Si vous possédez le commentaire de l'Épître aux Romains de Martin Luther, je vous encourage à le mettre au feu parce que c'est là qu'est sa vraie place. C'est un livre qui donne une interprétation malhonnête des propos de l'apôtre Paul et qui induit les croyants en de graves erreurs depuis 5 siècles. Si nous jugeons les institutions sur le témoignage de ceux qui les ont vues naître et grandir, nous avons de bonnes raisons pour n'accorder qu'une médiocre estime à la sainteté de l'hérésie et du schisme de la Réforme. La Réforme, dit Erasme, qui a connu et vécu en même temps que Luther, semble n'avoir d'autre but que de transformer en épouseurs et en épouseuses les moines et les nonnes. Cette parole peut faire sourire, mais ne fait pas sourire le Seigneur. Les vœux sont quelque chose de sacré. Psaume 22, 26. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Psaume 66, 13. J'accomplirai mes vœux envers toi. Ecclésiaste 5, 3, 4. Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Martin Luther a ainsi fait pécher une multitude de personnes consacrées, de religieux et de religieuses ayant fait le vœu de célibat par amour pour le Seigneur. Et pire encore, il les a fait se marier entre eux. Les vœux de célibat et de chasteté existent depuis le tout commencement du christianisme. L'abolir, c'est déjà enlever quelque chose à la parole de Dieu. Faire marier ces personnes entre elles par la suite, ce n'est rien de moins qu'une désacralisation et une abomination. Le protestantisme regarde Luther comme un saint. Et pourtant, celui-ci s'était infusé d'une haine viscérale dans son cœur vis-à-vis des catholiques. Il lui était dès lors impossible de marcher selon l'esprit. En 1 Jean 2,11, il est écrit « Celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. » En conclusion, eh bien, je me dissocie des doctrines et des diffamations arrogantes de Martin Luther et de Jean Calvin à propos du catholicisme. Ils sont inexcusables, puisqu'ayant connu les Écritures, ils ont encouragé le génocide des catholiques. 1 Jean 3,15 « Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. » Étudiez la vie de ces hommes, puis vous serez dégoûtés, je vous le promets. Je n'accepte plus d'être conduit par la théologie de ces êtres immondes qui sont responsables d'avoir mis le feu à toute l'Europe et fait couler des fleuves de sang innocent. Hitler était dans le même courant de pensée qu'eux. C'est tout dire. On ne peut pas être le disciple de Luther et être un vrai chrétien. Si vous suivez ses doctrines, vous adopterez aussi son caractère quelque part. Et si vous approuvez son caractère, c'est que vous possédez déjà son caractère. Et si vous possédez son caractère immonde et son langage ordurier envers l'Église, vous n'êtes déjà plus un chrétien. L'attitude odieuse que les réformateurs avaient envers l'Église rend leur enseignement irrecevable. Les sentiments de la Réforme sont une absurde contradiction à l'Esprit de Christ. Il est impensable aujourd'hui que de vrais chrétiens puissent adhérer et même louer la Réforme dans tout ce qu'elle a eu d'inconciliable et de plus incompatible avec l'esprit chrétien. Si l'ignorance vous rendait excusable au Seigneur jusqu'à présent, eh bien, après avoir entendu ce message, vous êtes devenu inexcusable. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, à accomplir un grand nettoyage dans vos doctrines et dans votre attitude envers l'Église. Amen.